Les masses médias syriens ont traité spécialement le 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. La télévision centrale a présenté des photos des activités révolutionnaires du président coréen en relatant ses exploits accomplis pour la patrie, le peuple, l'époque et l'histoire. La télévision a aussi montré les séquences des réalités fières de la Corée du Sud en développement rapide sous la sage direction du maréchal Kim Jong-un. La radio centrale aussi a rapporté spécialement les exploits d'ordre mondial du président qui s'éternisent à jamais avec le monde entier comme Soleil Jutsi. L'agence de presse Sana a présenté en détail ses exploits accomplis dans la lutte anti-japonaise et la dernière guerre contre les États-Unis avec ses photos. Les journaux Al-Baas, Al-Saoura et Tishrin ont véhiculé les articles sur ses immortels exploits.